Vous écoutez Antenne 87 à Méry-sur-Seine. L'Inforoute sur Antenne 87, vos infos circulation en direct dans les plaines de Champagne. Et c'est l'heure de l'Inforoute dans les plaines de Champagne sur Antenne 87. Sur la D205 à Lintes, travaux de terrassement pour branchement EDF, circulation perturbée. La D44 à Conentray, travaux électriques, circulation alternée en place. La D358 à L-le-Huttier, terrassement et réfection de chaussée, circulation impactée. La D51 à Saron-sur-Aube, déviation locale mise en place. Et enfin, la D58 à Saint-Rémy-en-Bouzemont, circulation maintenue avec... Je suis assis sur mon fauteuil, face au micro, pour vous annoncer seulement que, dans quelques heures, même maintenant, nous passons un maximum de musique avec un minimum de pub. Allez, bonne écoute et à plus. Une panne ou une déviation? Appelez dès maintenant Déviation. Appelez dès maintenant le standard au 09 70 03 76 13 et laissez-nous un message. Toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Antenne Dimanche, en ce dimanche 1er février 2026. Et oui, déjà un mois qu'on s'est souhaité bonne année. Et aujourd'hui, émission à thème que Jeff va vous présenter. Jeff, bonjour. Bonjour Luc, bonjour Vavin, bonjour à tous et à toutes. Voilà, le zé à toutes, très important. Voilà. C'est comme le bafouillé. Bonjour tout le monde, bienvenue en ce beau dimanche, plein de soleil. Eh bien là, voilà, avec notre vin national, voilà, on a le duo d'enfer. J'ai pas essuyé les lunettes. Aujourd'hui, ça va être le carnage, je le sens. Comme d'hab. Voilà, comme d'habitude, mais ça va être assez sympathique, voilà. Avec mes deux acolytes. Avec un Z aussi. Et non pas, oui, attention. Voilà, ce sont des acolytes. Alors aujourd'hui, Jeff. Alors, il y a une émission très spéciale, puisque c'est Antenne Dimanche thématisée. Ça sera sur les Bee Gees, soit leurs chansons, ou les chansons qu'ils ont écrites pour d'autres. Voilà, donc rassurez-vous, c'est pas que Bee Gees, mais la programmation est très très intéressante. Et très vive. On a eu la même pensée. Vous vous êtes devancés. Bien joué, bien joué. Voilà, bien wesh, bien wesh. Vavin, tu nous rappelles pour les dédicaces, s'il te plaît. Oui, www.antenne87.fr, bien sûr. L'onglet participer, vous déroulez, et vous nous tombez sur les petites dédicaces et vous laissez les petites bafouilles. Voilà, la messe est dite. Merci, mon père. Amen. Amène-moi. Amène-moi le café. Avec deux sucres et un nuage de lait. Non, sans sucre. Sans lait. Non, sans sucre. Ah, mais moi, je suis un gourmand. Sinon, j'aurais pris un cacao directement. Un cacao. On va commencer alors notre émission thématisée avec All Green. Oui, et avec une chanson de 1972 qui s'intitule How Can You Mend a Broken Heart. Waouh, il est beau ton anglais. T'as vu un peu? Oui. Des années d'expérience. Oui, ça, oui, ça se sent. Dès que j'ai un peu de temps à perdre, je te montre comment il faut faire. Oui. Dommage, je suis trop occupé. Alors, c'est une chanson, bien sûr, des Bee Gees. Alors, quand je précise des Bee Gees, ça veut dire que c'est les trois qui ont contribué. Voilà, c'est à la différence des autres chansons où je préciserai si c'est Maurice, Barry ou Robin. Ils ont mis leur petite patte chacun. Voilà. Donc, cette chanson a été sortie initialement en 1971, chantée par les Bee Gees, et ça a été donc repris par Al Green. Alors, ça a été écrit notamment par Barry et Robin, et c'est considéré comme le premier numéro 1 du groupe, sorti Alto Records. Donc ça, c'est la maison d'édition, a sorti des versions mono et stéréo en tant que disque promotionnel. D'accord. Voilà. Donc ça a été chanté entre autres par Johnny Mathis en 1971, en 1973 par Cher, et en 2003 par le grand, parce qu'il a vraiment une superbe voix, Michael Bublé. Ah, ah oui. Avec Barry Gibb qui fait les chœurs. Oh, dis donc, retranché en chœur, Barry Gibb. Ah oui, mais sur les trois quarts des chansons que les Bee Gees ont écrites pour d'autres artistes, Barry Gibb fera quasiment systématiquement les chœurs. Dis donc, c'était une passion, quoi. Oui. Ah bah, puis, voilà, c'est sa touche, et on, c'est là qu'on voit qu'il aime vraiment chanter. C'est la petite patte qu'il veut garder, quoi. C'est ça. Et ce qui est à noter, c'est qu'il est dans les chœurs, et non pas en chanteur devant la scène. Oui, c'est il ça. Chante pas en duo. Il fait non, il est vraiment sur le côté, quoi, on va c'est dire. C'est là qu'on voit qu'il est, voilà, il est pas là pour se mettre en avant, mais il aime chanter, point à la ligne, quoi. Ouais, c'est tout à son honneur. Et la deuxième chanson, alors, Barbara Streisand avec Woman in Love. Un grand succès, 1980, qui sera repris par Mireille Mathieu sous le titre Une femme amoureuse. Mm-hmm. Donc là, ça a été écrit par Barry et Robin Gibb, vendu à plus de 2 500 000 exemplaires dans le monde. C'est tout ? Seulement, voilà, c'est un petit titre. Détail. Un petit détail. Et en France, la chanson française, donc Une femme amoureuse de Mireille Mathieu, a été vendue à près de 150 000 exemplaires simplement en France. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais. Bon, il y a de quoi faire. C'est quand même des chiffres qui donnent le vertige. Ouais. Là, il y a de quoi faire. Hein. Ouais, c'est vrai. Très bien, bon, on va repartir tout de suite en musique alors avec All Green et Oh You Can Mend a Broken Heart. J'ai bien dit. Wow. Ah oui, merci. Tu vas pouvoir te reposer maintenant. Oui. Think of younger days when I lived for my life. Was everything a man could want to do. I could never see the rain falling down. Tell me how can you stop the sun from shining? What makes the world go round? And how can you broken man, yeah. How can a loser ever win? Still feel the breeze that rustles through the trees, and misty memories of days gone by, but we could never see tomorrow. Would you believe that no one ever told us about the sorrow? Restez à l'écoute. Life is a moment in space. quelque chose des années 80. On a tous quelque chose des années 80. Ah là, on était en plein dedans en 1980 avec Barbara Streisand. Toujours aussi bien cette chanson. Ah ouais, c'est très belle. Ça fait partie des chansons qui sont indémodables et intemporelles. C'est vrai. Non, c'est vrai. Comme je te disais hors antenne, en français, elle est très belle aussi. Et c'est cool. Il n'y a rien qui change, à part la langue. L'interprétation de Mireille Mathieu, il est quand même pour beaucoup. Et c'est, encore une fois, comme on disait hors antenne, il y a très peu de chansons où l'adaptation est au même niveau que la version originale. C'est vrai. C'est vrai. Bah, Mireille Mathieu, elle a toujours su représenter fidèlement les versions originales. Ouais. C'est, quand elle chantait, bah, c'était plus que d'interpréter, elle vivait vraiment la chanson. C'est ça qui donne aussi l'impulsion à tel ou tel titre. Mmh. C'est la façon qu'a l'interprète de ressentir le texte de la chanson. C'est ça le... Comment dire, le professionnalisme. Et puis le talent. Et le talent, surtout le talent. Ouais. Comme nous, quoi, c'est ça. Voilà, c'est ça. Le talent d'Achille. Vavin, est-ce qu'on a reçu des dédicaces ou ce matin ou hier? Hier? Ah ouais. Non, ils sont endormis là, pour l'instant. Ah ouais. Bon, bah, si on n'a pas reçu de dédicaces. Bon, ils sont au café, là, le temps de. Oui, voilà, le temps de digérer, bon. Ça va venir. N'oubliez pas, hein, www.antenne87, vous laissez la petite bafouille sur l'onglet participer, dédicace, hein, et puis on répondra. Oui. J'avais vu pas mal de dédicaces hier soir sur le. Oui, ça par contre, il y a. Oui, hier soir, ouais, c'est ça. Ma jeunesse. Écoute. Ma jeunesse de Gérard. Ma jeunesse, ce genre de rock, c'est super. Bon, ça devait être pour hier, je pense. Oui, c'était Rush. Alors même moi, j'étais. Très agréablement surpris par ce groupe que je ne connaissais pas. Ah Rush, bien, groupe ouais. Canadien, groupe c'est de rock ça. Canadien. Gina Skinner en parle aussi, Rush, c'est super. Je l'ai déjà entendu souvent sur la radio canadienne. Voilà. Saint-Pierre-et-Miquelon. Oui, Saint-Pierre-et-Miquelon. Et oui, c'est vrai que ce groupe-là était super. On l'entendra régulièrement sur la bande-son Régie. Voilà, on l'a dit. Pas d'autres messages? Ah bah après, c'est une journée, ça devait être toi au matin. Bonjour Loïc, très bonne émission du matin. Je vous écoute tous les samedis, c'est bien fait et vraiment chez nous. C'était hier matin. Voilà, c'est ça. Après, il y a prescription. Il y a prescription. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas pour vos dédicaces. 2020 va faire un petit rappel. Oui, www.antenne87, l'onglet participer, vous déroulez, vous trouvez dans le déroulement dédicace et vous laissez la petite bafouille dessus. Dans le déroulement. Oui, vous verrez, c'est marqué dédicace. Ah, c'est bien dit, Vavin. Dédicace. Ah là là. Ah là là, tu dis ça bien. Alors, on va passer à la prochaine musique, qui est des Bee Gees avec Night on Broadway. Broadway. Broadway. Oula, vas-y, redis ça, juste pour le plaisir. Non, je ne vais pas te donner ce plaisir-là. Non. Il me cherche. Aussi, allez. Ah, il me cherche. On t'écoute. Alors c'est une chanson de 1975 qui est la deuxième chanson extraite de l'album Main Course, juste après Jive Talking. Ah oui, bah, très connue celle-là, oui. Alors le producteur de l'album, Arif Mardin, a demandé à Barry s'il savait crier. Parce qu'encore à cette époque-là, il n'y avait pas la touch, comme on dit, des Bee Gees, la fameuse voix très très très aiguë. Oui. D'ailleurs on l'a entendu dans les premières chansons. On ne l'entendait pas, la voix typique. Et c'est donc Arif Mardin qui lui demande s'il sait crier. Alors, Barry va chanter de plus en plus dans les aigus jusqu'à une voix dite de fausset. De fausset. D'accord. C'est le nom de la voix. D'accord. Et on appelle ça aussi un falsetto. Oh là là, comment tu dis falsetto. Oh là là. C'est italien ça. Falsetto. Et encore, je le dis avec les mains. Vous le voyez pas ça. Et ça deviendra donc la marque de fabrique des Bee Gees. C'est vrai que c'est resté ça. T'as une petite question. Pourquoi Bee Gees? Puisqu'il n'y a rien qui correspond. Bee, c'est les abeilles. Oui. Gees, je sais plus. Mais pourquoi Bee Gees? Parce que, voilà, oui. Bah, c'est peut-être Barry, c'est peut-être les initiales. Non, parce que les frères, c'est Barry, ouais. Maurice, ouais. Robin et Andy, qu'on a déjà diffusé... Alors, pourquoi? Alors là, je vois pas. Là, non. Bee Gees, je sais pas. Eh bien, au début, le groupe s'appelait Bee Gees, donc B-G-S, qui était formé à partir des initiales de Bill Good, qui est un ami du groupe, mm-hmm. Barry Gibb, et Bill Gates, pas le créateur. Ah oui, d'accord. Non, c'était un DJ radio qui était ami de Bill Good, à qui les frères ont été présentés. D'accord. Donc c'était B, J, apostrophe S. Mm-hmm. Puis le groupe a évolué, il n'est resté que les frères. Et donc c'est resté les BGs. D'accord. Ah bah tu vois, on aura appris un bon truc là. BGs pour les frères, brother, deep. BGs. Excellent. Ah, il y a eu de la recherche. Ah bah oui, quand même. J'avoue, ça change des casques à boulons ou des chaussettes noires. C'est vrai que c'est, ouais, c'est différent, c'est vrai. Ah, c'est qu'est-ce qu'il y a, Vava ? La photo, elle est... C'était ton groupe de musique, ça, les casques à boulons, non ? Les casques à boulons. Et comme on a parlé mercredi avec Vinvin des Bee Gees, ouais, je disais qu'à la base, il n'était plus que trois. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, donc, oui, il y avait Barry, Maurice, Robin, mais il y avait aussi Vince Meloonay et Colin Peterson. C'était en 1958. D'accord. Andy n'a jamais fait partie du groupe. D'accord. Par contre, les frères des Bee Gees ont participé à la création et à la production et à l'arrangement du frère Andy. Purée. Toute beauté, ça. Hein, c'est toute beauté. C'est toute beauté. Eh ben, écoutez. J'en reste quoi ? Voilà, bah, sur ces mots, on va écouter tout de suite Bee Gees avec Night on Broadway, et on se retrouve tout de suite après. Dans quelques instants, il sera pile 15h. est 15h et vous êtes toujours sur Antenne 87 dans l'émission, dans votre émission préférée, Antenne Dimanche. Et là, on va présenter un prochain morceau, celui qui va passer après, avec Conway Twitty, avec Rest Your Love On Me. Oh que c'est bien dit. Ah, c'est bien dit. Alors ça date de 1980, cette chanson. Alors là, maintenant, on change un peu de répertoire, puisqu'on va dans le monde de la country, puisque Conway Twitty fait partie des grands chanteurs de country. Alors cette chanson, c'est écrit par Barry Gibb, et elle était initialement chantée en 1978 par les Bee Gees, puisque c'était la face B de Too Much Even. D'accord. Ça, c'était beau aussi. Ah, voilà, ouais, c'était une balade disco. Ah, et grâce à Conway Twitty, bah, ça passe de la balade disco à la balade country. Country, ouais. C'est bien dit, c'est bien fait. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ouais, moi, depuis que j'ai écouté Bee Gees, à chaque fois, j'avais les poils levés. Hein. Maintenant, je me suis rasé, donc je suis plus embêté. Voilà. C'est si bien dit. Petite note d'humour. Ouais, la gueule de l'humour. Allez, c'est parti. Conway Twitty avec Rest Your Love On Me. Maybe you don't know me any more than I know you, and I wouldn't blame you if you walked away. I've been watching you all evening with those teardrops in your eye, and it touches me much more than I can say. You know, I hate to think that someone could have hurt someone like you, and if I was him, I'd be right by your side. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. Saw you in the corner from the moment I walked in, saw your lonely face across the room. No, I won't forget you and the way been. Why'd you have to leave so soon? You know, I hate to think there's someone you loved instead of me, 'cause at times like this, I'd be right by your side. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. Rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. de Vitry-le-François à Cézanne. Vous êtes sur Antenne 87, votre radio locale. Chaque jour, infos, documentaires et les grands classiques de la musique des années 50 à 95. Antenne 87, la proximité, la culture et le son qui vous accompagne. Voilà, et on vous accompagne tout au long de ce dimanche avec votre émission préférée, Antenne Dimanche, en compagnie de deux affreux mousquetons. Tout en restant... Oui, non, mais j'ai bien compris. C'est très éclectique. Et voilà, mon frère, il en faisait... Et quand il était jeune. Quand il était jeune, ouais, c'est ça. Alors là, nous allons partir quelques années plus tard, pendant que l'autre, il s'étouffait avec son café. En train de s'étouffer avec le café. Oui, ça commence bien. C'est marrant. C'est bien parce que ça me fait encore rire, même, je ne sais pas combien d'années après. Cette connerie. Ah oui, bah, ça, ça reste. J'arrive pas. 40 ans plus tard. C'est vrai, heureusement c'est vrai. Qu'on lui demande pas s'il est pour la polygamie. Il va nous demander si on lui paye le voyage. c'est vrai. J'aimerais bien que tu me le payes, ouais. J'y vais tout de suite. Il faut pas que je vous mette ensemble tous les deux. Ah bah, un peu trop tard. Ouais, c'est trop tard, ouais. Oups. Nous allons reprendre quelques années avec Diana Ross. Toi, les années, vous passant tous les deux, vous avez déjà pris les années. Oh oui, ça a pris cher. Allez, ouais. Et la même fois, j'ai l'impression que j'ai mis du carbone tellement que j'en prends la faute. Ah ouais, l'inflation, c'est pour tout le monde. Avec Chain Reaction, 1985. Ouais, c'est bon. Oui, c'est alors ça. Écrit par Barry et Maurice Gibb. Ça fait partie de l'album Eaten Alive qu'ils avaient créé pour Diana Ross. La petite info, c'est qu'il y a un autre titre sorti de cet album qui est justement Eaten Alive, qui n'a pas vraiment fonctionné. Par contre, Chain Reaction, oui. Et ça connaît un succès international. Mais aux États-Unis, c'est, voilà, c'est moyen, quoi. Mi fig, mi raisin. Voilà. Parce qu'elle arrive qu'en 66e position dans les hit parades. Ah oui. Pour dire à quel point c'était moyen. Ouais, ouais, c'est vrai que là. Oui. Mais par contre, c'était vraiment un succès international. À 66, si c'est sur 500, ça va. Oui. Ouais. C'était trop pragmatique, là. Mais oh, par contre, dans le hit parade des discothèques, cette chanson arrive 7e. Ah. Et en 2001, il y a le groupe Steps qui en fera une reprise. Voilà. Alors, c'est marrant, ils sont 66e sur le hit parade, mais ils sont 7e en discothèque. Oui, il y a des chansons comme ça dans le hit parade, on va dire, multi-domaine, ça cartonne pas. Mm-hmm. Et donc, dès que c'est dans un hit parade vraiment spécialisé, par exemple country ou alors discothèque, là par contre ça fonctionne bien. Ouais, c'est impressionnant, hein, des fois les choses. Il y a des titres sur la discothèque 1 qu'on avait fait en Retro 80. Je me rappelle que ces titres n'avaient pas super bien fonctionné et ça reste quand même dans le temps et ça marche bien encore. Oui, oui, c'est vrai que t'as certains morceaux que tu diffuses ou qui refonctionnent. Ouais, c'est ça, ou qui refonctionnent. Il y avait certains morceaux que vous passez des fois dans Retro 80 qui étaient des flops monumentaux. J'aurais pas voulu me prendre ça à clair. Plat en pleine piscine. Et qui fonctionne aujourd'hui. Il y en a, et je pense à New Shoes, qui a été repris il n'y a pas récemment, là, et qui est reparti à tout, alors qu'il était passé comme une lettre disparue, New Shoes, à Ken Wade. Thierry Hazard. Hein. Thierry Hazard. Avant de chanter le jerk, il avait fait une chanson, ça devait être Les Brouillards de Londres, je crois bien, un truc comme ça, qui n'avait pas fonctionné du tout. Par contre, dès qu'il a été vraiment connu grâce au jerk, il a ressorti cette chanson, et là, ça a remarché. C'est bizarre. La première fois, non. Herbert Léonard, c'est pareil. Je crois que c'était la chanson Quelque chose en moi tient mon cœur. Ça, on va dire que c'était un succès d'estime la première fois qu'il l'a chanté dans les années 60. Et une fois qu'il est devenu très célèbre, notamment avec Pour le plaisir, il a ressorti cette chanson. Et là, ça a cartonné. Comme quoi, des fois. Ouais, ça dépend de l'époque, ça dépend de l'interprète, des versions originales qui ne fonctionnent pas du tout. Oui, mais aussi. Par contre, quand c'est repris, il y a des, comme on appelle ça, des covers. Ouais, il y a des covers qui fonctionnent mieux que les versions originales. Ou des remasterisés que je trouve plus beaux. C'est bizarre. Ouais, ça, c'est au goût de chacun. Attention. C'est vrai que ça dépend. C'est au goût de chacun. Mais bon, c'est vrai que ouais, il y a plein de surprises comme ça. Et on le voit. Tiens, encore là, toi, on vient de nous dire des titres qu'ils n'avaient pas écoutés, les gens. C'est bien ça, toi. Ah bah tiens, on va faire un petit. Avant de passer la musique. On va faire un petit tour du côté de Cognac G. Alors, donc, il y avait Olivier, tout d'abord. Petit bonjour pour mon ami Fredo, un petit Space on the road again. Et en vous remerciant. Alors, bien sûr, il y a une petite correction, avant que je continue, qui n'est pas Space, mais The Rocket. Les Rockets, voilà. Alors, on the road again, ça va oui, bien. Oui, oh, c'est bon. Parce que c'est un groupe français, tout simplement, qui a été formé en 74. Il fait partie de la police du Becherel. C'est ça. On the road again pour 20-20. Oh, oh là là là. Bon, allez, je continue. Il a fini en Donc 69. Ça va être préparé. Hein. C'est dans la boîte, Olivier. On va passer ça. Après, il y a Isabelle. Je découvre des morceaux que je ne connaissais pas. Voilà, donc ça, on est là pour ça, d'ailleurs. Oui. Et enfin, Claude, un habitué aussi, il y a 2 minutes. L'écoute, bon dimanche à vous. Merci. Merci. Toi aussi, Claude. Beaucoup. Oui. Bon dimanche, l'arrêt. Non. Rien dit, hein. À des moments, faut essayer. Faut oser. Allez, on repart en 85 avec Diana Ross chez le Reaction. Antenne 87, votre radio locale. écoutez Antenne 87, votre radio locale de Vitry-le-François à Sézanne. Ah, c'était super. Là, c'était les Rockets. Avec On the Road Again. Alors, pour la petite histoire, les Rockets, c'est le nom d'un groupe de rock français formé en 1974. Alors, les chansons du groupe ont comme thème, comme vous avez pu comprendre, hein, l'espace. C'est du mélange d'électro. Alors, c'était les débuts de l'électro, pas celui qu'on connaît aujourd'hui, de pop, de disco, de rock. Et bien sûr, pour les plus mélomanes, les plus aguerris, vous avez compris que ça ressemble à Kraftwerk, Giorgio Moroder, Devo, voire même un petit peu Daft Punk, avec leur costume de cosmonaute. C'est normal que ça rappelle un peu les Daft Punk. C'est cette époque. Parce que à la même époque, tu avais Daniel Vanguard, qui n'est autre que Daniel Bancaster, de son vrai nom, qui n'est autre que le papa de l'un des membres de Daft Punk. C'est vrai. Et qui est aussi, entre autres, producteur et créateur des Ottawans. Ah oui. Ottawa. Et qui a eu une carrière de chanteur. Ah bon? Oui. Et oui, dans les années 60 et 60-70, il y a une chanson qui s'appelle « Comme un bombardier avec ses bombes ». C'était une chanson pour dénoncer la vente des armes. D'accord. Et... tu vois, dormir à moins qu'on se soit. Bon, il y a du boulot, hein, va. C'est surtout qu'il ne s'est pas foulé pour le titre, « Des bombardiers avec des bombes ». Ah ben... Oh bah, tu sais, non, c'est parce qu'il est jaloux. Entre ça et puis un avion sans aile. Oui, c'est vrai. Sans aile, aïe, le tout fait l'interprète. Il y en a beaucoup qui reprennent les thèmes de l'espace, hein. Ah, y compris nos amis qui sont venus là. Si, oui, notre nom, ouais. C'est vrai, que vous avez pu réentendre lundi dernier. Ouais. Et c'était un petit clin d'œil, leur nom, au film Alien. Alien. Alien. Voilà. Avec Sigourney. Bien, bien, tu seras viré quand même. Déjà avec une, il y a du mal, si en plus il faut aussi gourner. Oh là là, on est mal barré. Là je vous le dis, on est mal barré. Allez. Bon, tu veux des dédicaces ou pas? Oui. Ah bah allez, parce que tu réclames. Oui. Alors on a André, petit coucou de Semoine, bon dimanche à tous. Ben, vous aussi André. Maxime, bon dimanche et je fais de gros bisous à ma Martine, ma maman. Ben, gros bisous nous aussi. Jackie, bon dimanche à vous, j'adore les Bee Gees, justement, ça tombe bien. Avez-vous ce bouet des Bee Gees? On va regarder ça. Hein, oui, ouais. On va préparer ça. Florence du 51, bonjour. Ah, les joyeux Lurons, hein? On est du côté de Buy. C'est vrai? Oui. C'est à Buy. Bonjour les joyeux Lurons. Oh là là, toutes ces chansons nous rajeunissent. Quel plaisir de ce retour en arrière. Bon dimanche à tous et bise à Jeff. Oui. Il a un petit voilà, ticket. Voilà, je comprends. Hein, il a un petit ticket. Là, je comprends mieux. Alors, et son, numéro, c'est 06. 06 07 08 09 010. Voilà, c'est ça. Je suis sûr qu'il y en a qui essayent. Et Bernard, super émission. Merci à vous. Bon dimanche. Bah, à vous aussi, Bernard. Avec grand plaisir. Et aujourd'hui, je rappelle que le thème, c'est sur les Bee Gees. Ah, c'est le fil conducteur, ça sera les Bee Gees. Et la composition pour les autres. Là, du coup, nous. Enfin, du coup, j'aime pas ce terme-là. Tiens, je m'y mets. Ah, oui, oui, là, c'est vrai. C'est pas attention, bon. Attention. Je suis correction. Le premier à vous mordre le genou là-dessus et je le fais. Frankie Valli. Oui, avec Grease, 1978. Grand film. Ouais. Chanson écrite par Barry Gibb, vendue à plus de 7 millions d'exemplaires. C'est tout? Oui, seulement. Ouais. Voilà, c'est un petit débutant. Ouais, ouais, c'est un débutant, oui. Il faut noter quand même que les musiciens qui jouent sur la bande son sont les mêmes que ceux qui jouent sur l'album de Andy Gibb, le frère, parce qu'ils ont été enregistrés au même moment. D'accord. Et à la base, Grease est une comédie musicale, donc la chanson ne faisait pas partie de la comédie musicale. Elle a été rajoutée simplement pour le film. Et les Bee Gees vont chanter leur version dans leur tournée de 97 à 99. D'accord. Alors bien sûr, Grease, c'est John Travolta, avec Danny Zuko et Olivia Newton-John dans le rôle de Sandy. Ah bah voilà. Et toi, tu fais Traviolta. Non, c'est pas ça. Mais c'est Sandy avec un Y. Ouais, c'est pas le même. Là, si tu lui dis qu'elle a un Y, attention là. Mais bon, tout l'album de Grease et toutes les chansons sont magnifiques. Que ça soit celle chantée par le duo Travolta-Olivia Newton-John ou alors même Hopelessly Devoted to You chantée par Olivia Newton-John toute seule, elles sont vraiment très bien. Il y en a une ou deux que je suis pas fan. C'est pas You Should Be Dancing. Celle-là, elle est assez dynamique. Il y en a une que j'aime pas trop. Ah. Je t'en parlerai en antenne parce que j'ai pas le nom, puis je vais pas chanter à l'antenne, tout va s'effondrer. Non. C'est pas la peine. Et celle-là, je. Et il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'anciens qui ne peuvent plus l'entendre. Ah bon? Je vous le dirai tout à l'heure. Ouais. Dans les grands classiques des Bee Gees. Du film que je te parle. Ah. Dans le film, d'accord. Dans le film. À moins que je me trompe peut-être, attention. Après, t'as That's the worst thing I could do. Où c'est. Comment que c'est Flockhart Channing qui chante. Où elle explique justement au moment où elle pense qu'elle est enceinte. Où elle explique toutes les pires choses qu'elle a pu faire dans sa vie. Non, c'est pas celle-là. Non, c'est une autre. Sandy, quand c'est John Travolta qui chante alors qu'il est sur le parking du cinéma en plein air. Non. Bon, ça me reviendra. On en reparlera. Rien de bien méchant, en tout cas. Allez, je vous propose de repartir avec Frankie Valli. Antenne 87, votre radio locale. Ride. dimanche, votre rendez-vous musical et convivial. Et voilà, c'était l'autobus à l'Impérial. Ah oui, quel souvenir cette série télé. Je sais pas si il y en a beaucoup qui vont se rappeler. En fait, c'était un groupe de gamins. Voilà, c'était une série britannique. Et oui, avec Tigresse, avec sa petite peluche. Non, ça ne me rappelle pas Sylvain. Non, t'as pas connu ça aussi, mais ça ne me dit rien du tout. Ah, c'est la date des années 70. Mmh. Ça avait été rediffusé notamment dans l'émission Les Visiteurs du Mercredi en 1976. Et ça date des débuts 70, ça date 71. D'accord. Bon, va, il ne s'en souvient pas, il est trop vieux. Ben, j'étais surtout trop jeune, là. Arrête de mentir. Ça, c'est la grande époque de la télé, avec notamment Croque Vacances, ah, avec Claude Pirard. Et... Voilà, c'était toute cette génération-là. C'était quoi? C'était une espèce de marionnette qui est... La marionnette, c'était un lapin, ouais, c'était lapin. Isidore. Isidore, voilà. Et après, il y a eu sa fiancée qui s'appelle Clémentine. Ouais, c'est ça. Isidore et Thierry est réveillé, non? C'est pas ça? Bon. Allez, prochaine musique, Dionne Warwick avec Earthbreaker. 1982, une chanson écrite par Barry et Maurice Gibb. Alors au départ, Dionne Warwick n'aimait pas du tout la chanson. Elle l'a chantée, on va dire, à contre-cœur, mais parce que elle, à force de lire les paroles, d'écouter la musique, elle dit bon, il y a peut-être un potentiel quand même. Et puis en fait, ça a été un des plus gros succès de sa carrière. Et bien évidemment, comme à chaque fois, Barry Gibb fait partie des chœurs. Tiens donc. Change pas l'équipe, il gagne. Ah bah non, c'est clair. Voilà. Ah, alors. De quoi? Des petits messages? Ah, tu veux des messages? Ouais. J'ai Yann, j'ai bien aimé l'émission de Rock hier soir. Avez-vous un morceau de Rush, s'il vous plaît, bon dimanche? Ah, on va voir si c'est possible, parce qu'il y a du monde qui demande, là. Ça va rester. Ouais. On a passionné FM, le retour. Hein. Toujours fidèle à ma radio locale, même si c'est pas mon département. Oui, c'est pas grave, ça. Oui. Vous faites un très beau travail, belle stéréo aujourd'hui. Bon dimanche, les amis. Avez-vous un Donna Summer Hurts? Just a little. Allez, belle, cette chanson. Oui. Même époque que les Bee Gees, justement, qui étaient dans les top 40. Ah, mais ils l'envoient pas pour rien. Ah, enfin, Serge et Cathy, je vous souhaite à toute l'équipe un bon dimanche. Avez-vous un petit Jean Ferrol, l'adresse du bonheur? Vous me l'avez fait découvrir, depuis je l'adore. Oui, l'adresse du bonheur, 72. Très belle chanson aussi. J'ai cru que tu allais donner l'adresse d'ici. Bah, de toute façon, tout le monde l'a. C'est plus un secret. Allez, on va repartir en attendant le temps de préparer toutes ces chansons, de faire chauffer les disques, les cassettes et tout ça. On repart avec Dionne Warwick, avec Heartbreaker. A tout de suite, 15h35. sommes les seuls à proposer ça. Alors, restez à l'écoute. François à Cézanne. Vous êtes sur Antenne 87, votre radio locale. Chaque jour, infos, documentaires et les grands classiques de la musique des années 50 à 95. Antenne 87, la proximité, la culture et le son qui vous accompagne. Ah, ce bouet, belle chanson encore. Oui. C'est vraiment, super, vraiment leur début. Super. Ouais, c'était vraiment leur début. Alors là, une prochaine chanson. Là, c'est pas les Bee Gees que vous allez entendre, mais Kenny Rogers et Dolly Parton avec Island in the Stream. Oui, c'est un des plus grands duos du monde de la country. Encore une fois, voilà, monde que j'affectionne particulièrement. Oh bon, on savait pas. Hein? Qu'est-ce que tu fais toi avec ton... Touche pas ça. Rien, je fais rien. Alors, c'est, comme disait Jean Lefebvre, ah non, ça c'est touche pas ça petit con. C'est ça. Non mais c'est ça les responsables techniques, ça fout pas. Non, parce que j'essayais de... Je suis en train de calibrer tout ce qui arrive derrière, s'il vous plaît. Alors laissez-moi tranquille, m'embêtez pas. Pour une fois qu'il travaille, on va pas l'avoir. Oh non, c'est l'hôpital qui... Comment, je sais plus comment on dit. Voilà donc Alone in the Stream, grande chanson créée par les Bee Gees, vendue quand même à plus de 2 millions d'exemplaires. Elle a aussi remporté en 1984 le prix du meilleur single au Academy of Country Music Awards. Et la chanson tire son nom d'une œuvre de Ernest Hemingway qui s'appelle « Île à la dérive ». D'accord, vous ne connaissez pas. Voilà, c'est vrai. Franchement, oui, Kenny Rogers, à part, il est excellent. Donc, voilà, 2020, lui, sa préférée, c'est Lady. Mais voilà. Ouais, c'est parce que c'est plus des souvenirs quand on était jeune, quoi, c'est tout. Mais j'aime le reste aussi. C'est un autre compositeur. Lady, c'est Lionel Richie, c'est encore une autre ambiance. Ouais. Mais c'est vrai que Kenny Rogers, moi, je l'ai connu notamment avec, quand j'étais gamin, c'était The Gambler, qui servait aussi de titre d'un téléfilm où il jouait dedans. Mmh. Il jouait le rôle d'un joueur de poker qui parcourait le pays pour retrouver son fils. Et parmi la distribution, il y avait un autre acteur très connu, Bruce Boxleitner, qu'on avait connu notamment dans Les Deux Font la Paire. Ouais. D'accord. Il faisait le rôle d'un agent secret et dans la série Les Deux Font la Paire, il y avait Kate Jackson, ex drôle de dame, ouais, c'est ça, qui faisait le rôle d'Amanda King. Mmh. Voilà. Et lui, il jouait, Bruce Boxleitner jouait le rôle de Scarecrow, l'épouvantail. C'était son nom de code d'agent secret. D'accord. Eh bien, nous allons. Voilà, tiens, juste une petite info. Vas-y. Quel animal porte un nom en référence à Dolly Parton? Référence à Dolly Parton? Ouais. Un animal. Un vavin. C'est pas un animal le vavin. Le vavin sauvage. Le lion, tout ça, non. Allez, encore quelques secondes. Non, vous voyez pas? Bah, je donne ma langue au chat. Oh, il donne sa langue au chat. Ouais, vu comment il a dit ça, on dira rien. Donc, en fait, c'était une brebis. Oh. Vous vous rappelez la fameuse brebis qui avait été clonée? Ah oui, Lucie, non enfin, c'est le singe. Non mais je dis, quel est l'animal qui a été baptisé Dolly en référence à Dolly Parton, et il me sort Lucie. Mm-hmm. Non, mais on va... j'ai confondu. Qu'est-ce que tu veux t'en sortir avec ça? Quelle est la couleur du cheval? Non, non, non, arrête. Il était gris parce qu'il est tombé dans la boue, il était sale. Voilà. D'accord. Eh bien, merci pour cette petite anecdote. C'était la minute culturelle d'Antenne 87, pleine de champagne. Voilà, oh, c'est si bien dit. On dirait une future chronique qui va arriver. Allez, tout de suite, Island is in the Stream, Kenny Rogers et Dolly Parton. Baby, when I met you, there was peace, I know. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside, there was something. There's a lady who's sure all it glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows. A sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have meaning. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misbehaving. Dans quelques instants, il sera pile 16h. Et oui, il sera pile 16h. Vous êtes sur Antenne 87. Après cette belle petite pause musicale, vous avez pu écouter Led Zeppelin avec Stairway to Heaven. Stairway. Je fais partie de la police de Becherel. Ça se dit Stairway. Stairway to Heaven. Stairway to Heaven. Yes, of course. Voilà, of course. Non, français. Allez, tais-toi, toi. Il dit, on laisse passer d'abord le top horaire parce qu'il est très exactement. C'est parti. Il est 16h. Voilà, merci. 16h sur Antenne 87. Jeff, on te laisse la suite. Alors, qu'est-ce que tu as prévu? Nous allons repartir avec les Bee Gees, avec New York Mining Disaster. 1941. Bien. Ah oui, il est donne hein, quand même. Il manque un peu d'accent, mais. On en fera peut-être quelque chose. Hein. L'accent, si tu veux, je peux te le donner. Mais... Avec Hello, sans... Alors, c'est une chanson qui date de 1967. Donc, ça parle d'un mineur qui est prisonnier dans une mine suite à un éboulement. Et il partage avec son copain d'infortune une photo de sa femme. Voilà, il explique à quel point elle lui manque. Alors, pour la petite info, cette chanson elle a été écrite dans un escalier plongé dans l'obscurité suite à une panne de courant dans le studio d'enregistrement. Ah. Voilà, c'est la première chanson écrite en 1967 par les Bee Gees. Elle sera adaptée en français sous deux titres. Le premier, c'est « Si quelque chose m'arrivait », chanté par Ronnie Bird. Mm-hmm. Et l'autre chanson, c'est « As-tu vu ma fille Mr. Jones », chanté par le groupe Les Talmuds. D'accord. Et cette chanson, en fait, est inspirée par une catastrophe qui est arrivée au Pays de Galles, à Aberfan, voilà, en 1966. Mm-hmm. Et Barry Gibb expliquera lors d'une interview qu'il a préféré utiliser le nom de New York parce qu'il a trouvé que c'était plus glamour que Aberfan. D'accord, ouais, c'est que de l'esthétique. Quoi. Alors, ouais. Et il y a bien eu un désastre minier comme ça à New York, mais pas en 1941. Mais en 1936-39. D'accord. Voilà. Bah, fallait le savoir. Ah oui. Bah oui. Tu sachais pas? Ah non, je le savais pas. Ah, voilà. Allez, on écoute cette chanson et après, on repassera du côté des dédicaces. À tout de suite. Retrouvez toutes nos infos sur notre page Facebook, site internet et Twitter. In the event of something happening to me, there is something I would like you all to see. It's just a photograph of someone that I knew. Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know? I keep straining my ears to hear a sound. Maybe someone is digging underground. Or have they given up and all gone home to bed, thinking those who once existed must be dead? Jones. In the event of something happening to me, there is something I would like you all to see. It's just a photograph of someone that I knew. Have you seen? Jones. Et voilà, encore une belle chanson qu'on a pu découvrir grâce à Jeff. Bah merci. T'es viré. J'espère bien. Voilà, j'allais pas rester gentil non plus. Ah bah non, manquerait plus que ça. C'est un coup à ce qu'on en prenne l'habitude. Ah, oui, c'est clair, hein. On l'aurait pas reconnu. Hein. Allez, jingle. Et on repasse du côté de Cognac G. Oui, alors... Ouais. Canard qui s'est pris une porte dans la tête. Tom, bon dimanche à tous. Un petit prince avec 1999. Prince, pardon. Oui, oui. Avec l'accent. Oui, tant avec l'accent. Tant qu'à faire, avec l'accent, c'est avec l'accent. C'est pas voilà. Parce qu'il est 16h. Bien. Zoé, bon appétit. J'ai bien adoré l'émission de disco de la nuit. Vous faites de bons programmes variés, c'est super. Pouvez-vous passer Chic Soap for One? Soap for One. Soap. C'est savon, ça. Ouais. SVP. Voilà, oui. C'est marqué. On va trouver ça. On va trouver SVP, ça, oui. Et Olivier, qui nous dit toujours aussi cool, antenne dimanche, je ne rate pas une émission. J'en profite pour faire un petit coucou à monsieur Jean-François. Aussi, j'aime bien aussi. Il a mis deux fois aussi. J'aime bien aussi cet animateur et ses petites émissions qu'il fait le matin. J'adorais Goldorak quand j'étais plus jeune. Ah, je pense que c'était capsule qu'on passe dans le carnet des plaines. Bah, merci du compliment. Voilà, voilà. Et je vous rassure, on l'aime pas et il sera viré. Mardi. Et je vous rassure, il y en aura d'autres aussi. Voilà, c'est ça. Pas du viré, hein, mais des capsules. Oui, on et juste comme ça, pour la petite info, dans les prochaines qui seront faites, ça va rappeler aussi beaucoup de souvenirs. On sera plus dans les années 90. C'est les Chevaliers du Zodiac. Oui. Ça rame. Non, Zodiac. Oh là, finant ta chambre. Oh là, oui, là. Il est pas gay. C'est dommage, on n'a pas le droit de le virer le mardi. Ah oui, bah, je vous laisse la place, moi vous démerdez les gars. Il n'y a pas de problème. On va passer donc les chansons dédicacées. Oui. Donc on commencera par laquelle? Alors Rush avec The Spirit of Radio. Rush. Eh ben, on va passer Rush tout de suite. Et puis juste derrière, on aura Donna Summer qui nous a été demandée tout à l'heure avec Hurts Just a Little. D'accord, eh ben, tu peux déjà envoyer la musique. Eh ben c'est parti. Allez, à tout de suite. Écoute, ça c'est du son. We'll be right back. Écoutez Antenne 87, votre radio locale de Vitry-le-François à Sézanne. Décidément, hein, on est mauvais hein, quand on s'y met. Voilà. Heureusement qu'on a des bons vieux vu-mètres qui nous indiquent qu'il y a un problème. Hein. Vu-mètre, c'est ouais. Qui vu-mètre? C'est un mètre qui permet d'être vu. Tu connaissais pas? Non, je connaissais pas le vu-mètre. Ah là là là là. Je crois que je le verrai jusqu'à mardi, après c'est tout. Et encore, je crois que ça risque de se finir plutôt que prévu. Oui, bah, c'est notre faute, on est en train de discuter de plein de choses, de belles choses qu'on veut vous partager. Et puis voilà, c'est ça. Allez, en attendant, on va vous présenter Olivia Newton-John avec Come On Over. Je crois qu'elle était là. Oui, elle arrive là. 1976, chanson écrite par Barry et Robin Gibb. Alors en fait, c'est une reprise, c'est pas une chanson originale, parce que c'est la reprise de la propre chanson des Bee Gees qu'ils ont sortie en 1975. C'est là que Robin naît. Ah ouais, tout ça c'est. Hein, c'est de la tuyauterie. C'était une vanne. Hein. Il est en forme. Ouais, c'est ce que disent aussi les Normands. Et il a pris son traitement, c'est ça? Ouais. Tout de suite. C'est la tension. Je ne dis rien, sinon on va encore se plaindre que Jean chérit à chaque fois. Ah, et Jean, c'est pas un prénom. Ouais, hein. D'accord. C'est pas Jean chérit en deux mots. Non, d'accord. Bon, donc cette chanson est le sixième titre consécutif d'Olivia Newton-John à se classer numéro 1 du classement Easy Listening. Et elle se placera cinquième au classement du country américain. Pas mal. Voilà. C'est toute beauté, ça. Donc, chose qu'on ignore quand même beaucoup, c'est que les Bee Gees, comme vous avez pu voir, il y a eu beaucoup de chansons qui vont être classées dans le répertoire country. Mm-hmm. Même s'ils sont disco, Isle on the Stream, la chanson de Conway Twitty tout à l'heure, celle-là, Come On Over. Vu les artistes qui ont repris les chansons, grâce à eux, bah, ils sont estampillés aussi auteurs de chansons country par le fait. C'est ça quand on est éclectique. Ouais, quelqu'un. Ça aide beaucoup. Sting, qui est dans le même registre, dont on connaît avec toutes ses chansons pop. Aye. Mais il y a une chanson qu'il a écrite et qui est chantée par Toby Keith. Ah oui. Et qui s'appelle Stop Crying. Mm-hmm. Et que nous, dans le monde de la country, on a une chorégraphie qui va dessus. Et du fait d'avoir fait cette chanson, il est classé aussi parmi les auteurs de musique country. Et il a même une deuxième chanson qui, alors de mémoire, ça doit être Hang on Fire, qui est chantée par Johnny Cash. D'accord. Voilà. C'est pas mal. Grâce à ces deux titres. Un petit jeune. Johnny Cash, un petit jeune. Ah oui. Allez, on va repartir alors avec Olivia Newton-John. Comme on horaire. 16h22 sur Antenne 87. Smile back on my face. voilà, Olivia Newton-John, magnifique morceau. Et là, on va rester dans le magnifique, mais dans un autre registre, avec Prince. Vavin, quel était le morceau demandé? Alors, le morceau... Le morceau, oui. Je suis parti dans la saucisse. Il n'y a pas de saucisse. Le morceau demandé, c'était 1999. Ah bah voilà, eh ben écoute, tu peux l'envoyer tout de suite. Ah bon? Bien sûr, hein? Bien sûr. Alors c'est parti. Mais qui se trompe pas de bouton. Non, c'est bon, c'est bon. Infos sur notre page Facebook, site internet et Twitter. Alors Twitter, oui, mais ça marche pas trop. Ah, ah bon? Oui, des fois le système est un peu... On n'arrive pas à se connecter. Bon, on peut pas tout faire. Hein. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos bafouilles à... Antenne 87. Désolé de te réveiller. Mais non, oui, je dormais. Antenne 87. Ouais. Hey, c'est 16h30, les gars. Oh, je dors à ce temps-là. Ouais, il a la soupe, lui. Hein. Antenne 87.fr, bien sûr. Non, le point fr, important, le point fr. L'onglet participer, vous déroulez la petite bande déroulante, vous choisissez dédicace et vous laissez la petite bafouille. Et là, ils se trompent, ils sont sur la rubrique emploi. Et là, on en a un petit peu. Alors, ils sont sur la rubrique emploi, ils se retrouve contrôleur aérien, vous voulez une chanson. Je comprends pas, j'ai cliqué. Je crois que je me suis trompé. Alors, il y a Bernadette, un petit message pour féliciter vos documentaires de la semaine. On fait de belles découvertes de tout, c'est super, et des musiques que j'adore. Puis, je vous demandais... Chaka Khan, I know you alive you. Alors c'est dans la boîte un petit peu plus tard, mais ça arrive. Pierre, aujourd'hui c'est mécanique avec vous à fond dans le garage, ça m'aide. Ah bah tant mieux, on est content. Et la claque. Ah. Aïe. Et Martine de Montépreux, je vous écoute en famille et on découvre beaucoup de morceaux avec vous chaque dimanche, une découverte. Oui, c'est fait pour. Morceaux musicaux ou morceaux dans l'assiette parce que. Voilà, c'est tout pour le moment. C'est déjà pas mal. Merci beaucoup pour vos. Pour vos petites bafouilles. Ah ben non, il y en a encore. Mais bon, on verra après. Hein oui. Allez. Allez, prochaine chanson. Samantha Song avec le titre Emotion en 1978. Alors, c'est une chanson écrite par Barry et Robin Gim. Samantha Song est une chanteuse australienne. D'ailleurs, comme les Bee Gees. On oublie, mais ils sont australiens. Oui, ils ne sont pas américains. Voilà, ils sont nés à Brisbane. États-Uniens, comme tout le monde dit aujourd'hui. Eh ben non. Les Bee Gees enregistrent leur propre version en 1994 sur l'album Love Songs, resté inédit, puis en 2001 sur une compilation. D'accord. Et la chanson va être reprise par un grand groupe, les Destiny's Child, en 2001. Et en 2019 par Emma Burton. Vous connaissez Emma Burton, bien sûr. Oui. Emma B. Ça vous dit quelque chose? Ah oui, c'est dans les Spice Girls. Spice Girls, oui. Voilà, c'était. Comment tu dis? Spice Girls. Ah oui, c'est mieux déjà, deuxième. It's okay? Parce que la première. Donc c'est Spice Girls. Et son surnom dans les Spice Girls, c'était Baby Spice. Ah bon? For sure. Et bien sûr, comme à chaque fois, Barry Gibb est dans les cœurs. Qu'est-ce qu'il aime bien ça, hein? Oh là là, il est bien, Barry. On va croire qu'il aime ça. Oui. Ah bah. C'est comme ça, t'es passionné. Allez, Samantha Song. FM. Et passionné FM. Ouais. Oh, la pub gratuite.